devinette, j'adore et celle-là n'a pas l'air fastoche. Est-ce que c'est un peluche? Est-ce que c'est un machin avec des fanfreluches? Tu veux pas que je touche? Tu veux pas que je vois? Dis, tu fais des niches. Moi je trouve ça louche. Peut-être que t'as rien au fond, peut-être que tu triches. Qu'est-ce que tu caches dans ta poche? Que c'est là, je sais, je veux que je sache aller ma couche. Qu'est-ce que tu caches dans ta poche? Dis-moi ce que c'est, dépêche, je veux que je t'arrache les mots de la bouche. Montre-moi, sois pas chouche, les mystères, moi ça m'allège. Je suis curieuse comme toutes les femmes, c'est par là que je pêche. Qu'est-ce que c'est là, je sèche, il faut que je sache aller à gauche.